e mangoa, bokasa e kasa e kasa e mangoa, kasa e kasa e kasa e mangoa, bokasa e kasa e kasa e mangoa, mangoa ya boy boy. Oda no chama mangoa ya, mangoa ya boy boy. C'est elle maman nous est qu'à manger, mangoa ya boy boy. Oda no chama mangoa ya, mangoa ya boy boy. C'est elle maman nous est qu'à manger, mangoa ya boy. Magoa, chui, magoa, chui, magoa, bem.